Salut à tous et toutes, la tribu, bienvenue dans la 147e Vampire Freaks, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Salut la tribu, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission, c'est la 147e, c'est Vampire Freaks, et je m'invite chez vous. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages par rapport à l'émission spéciale qui a eu lieu dernièrement, ça me fait énormément plaisir. Cette semaine au programme, des nouveautés, du vinyle, du culte, de plein de choses. On commencera tout de suite avec Boogie Boogeyman, le nouveau Lady H. C'est sur l'album Reconnexion, sorti le 7 mars 2016. Ouais, c'est pas tout neuf, mais je viens de l'avoir il n'y a pas longtemps. On retrouve Train Station, Desert of Respite et Floating Away. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Ils sont sur le label Green Pist Record qui est en Haute-Loire. Et merci à eux pour m'avoir envoyé leur son. Et c'est super sympa. On continuera avec African Reggae en vinyle de Nina Hagen. C'est sur l'album Unbe Again, sorti en 1979. On retrouve Herman Is Here, Falling In Love With Mir et Alptrom, un classique de chez classique. On écoutera ensuite Putain de Tessématique, c'est sur l'album Choco, sorti en 1983. On retrouve L'Amour N'est Pas Avec Moi, Call Me Up, Behind Somebody Else, et c'est Arnaud qui était au chant du son culte. On écoutera ensuite Rock the World en vinyle aussi de Third World. C'est aussi le titre de ce super album sorti en 1981. On retrouve Spiritual Revolution, Peace and Love et Hug Up. Merci beaucoup à Bernie pour ses super sons vinyle. Et on finira ce bloc en live avec Rainbow in the Dark et en vinyle de Dio. C'est sur l'album Intermission, leur premier album live sorti en juin 86. On retrouve King of Rock'n'Roll, Time to Burn et We Rock. away. Thank you. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Let's rock the world with music. Give Jack creation this love. Rainbow in the dark. Hello! Ah, qu'est-ce que c'est bon, ce duo en live et en vinyle. Vous êtes toujours dans la 57e Vampire Freaks et c'est Spike qui s'incruste chez vous. On vient de s'écouter Boogie Boogie Man de Lady H, African Reggae en vinyle de Ninagen, Putain Putain de Tessématique, on a eu Rock the World en vinyle de Soulboard, et on a eu ensuite en vinyle et en live Rainbow in the Dark de Dio. On continuera cette émission avec une nouveauté, Running Away de nouveau Red Cloud, c'est sur l'album One sorti en 2016. On retrouve Red Cloud, Supersonic et Don't Pay the Fool, on les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et bientôt toutes les plateformes. On écoutera une nouveauté et même une exclusivité, Pocket Pussy de Dragon's Daughter. C'est sur leur premier EP, Tits on Fire, 6 titres, qui sortira en mars prochain. On retrouve Pocket Pussy, What the Fuck, Be in My Bed in May, Learn It, I Don't Know et la chanson de Prévert par Gainsbourg. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Ils sont en release party, enfin elles sont parce que c'est trois filles, elles sont en release party le samedi 23 février à l'International à Paris, justement pour la sortie de leur album. On écoutera ensuite un autre titre en vinyle, Hellraiser de Sweet, c'est sur l'album de Golden Greats, sorti en octobre 1977. On retrouve Blockbuster, Ballroom Blitz et The Lies in Your Eyes. C'est un best-of de glam rock, un classique. Et du très très bon son. On écoutera ensuite une nouveauté, Human Race, le nouveau Alpha Blondie. C'est aussi le titre de cet album, sorti le 31 août 2018. On retrouve Political Brouhaha, Life, Nos Hôpitaux Sont Malades, et deux super reprises, une, Wall of Love de Led Zeppelin, et Je Suis Venu Te Dire Que Je M'en Vais de Gainsbourg. On finira ce bloc en live avec une autre exclusivité, Allons Bouger de Awake, c'est sur l'album Let's Party Down et avec un CD bonus Celebrating 25 Years of Blues qui sortira aussi en mars prochain. On retrouve Every Time, Can't Stop Thinking, Is Fat et If the Sea Was Whiskey. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et aussi sur awakeblues.net et sur toutes les plateformes numériques. I'm running. stand every time I touch your hand. It's like I'm burning in the fires of hell, and if I hold it too long, you never can tell what will happen to me. Wouldn't want you to see. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Destroy you. I wanna know and come. the rhythm of the soul. Baby, you got to stay. Sur cette scène avec nous une fois de plus monsieur Nicolas, s'il vous plaît, on l'applaudit très fort. Est-ce que le bon temps roulait là? Qu'est-ce que c'est bon ces blues. D'ailleurs j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est pas awakeblues.net, c'est awakeblues.com. Vous êtes toujours dans la 147e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Running Away, le nouveau Red Cloud, Pocket Pussy, le nouveau Dragon's Daughter et l'exclusivité. On a eu ensuite Eraser en vinyle de Sweet. On a eu ensuite Human Race, le nouveau Alpha Blondie. Et on a fini ce bloc en live avec Allons Bouger de Awake. On continuera cette émission avec Withering Ace en vinyle de Kate Bush. C'est sur l'album The Kick Inside, sorti le 17 février 1978. Donc pour une petite info, on est dimanche, j'enregistre, et on est le 17, donc ça fait 40 ans qu'il a eu 40 ans aujourd'hui. Donc sur cet album, on retrouve de saxophone song, Kite, Et How to Be in Love, c'est avec cet album et ce titre, Buffering Gates, Léo de Relevant, qu'il faut traduire, que Kate Bush est classée première pour la première fois dans les charts anglais du son culte. On écoutera ensuite Door Deep de Burning Spear, c'est sur l'album Man in the Hills, sorti le 18 août 1976. On retrouve Man in the Hills, No More War et People Get Ready. On continue en son culte. On écoutera ensuite Turn Up de 13, c'est sur un album à sortir, des nouvelles très vite. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite une nouveauté, 49.3 Reboot de Post 942, c'est sur l'album Long Replay, sorti le 1er février 2019. C'est une réédition de Long Play qui était sortie en 2017, enrichie de 4 inédits. On retrouve Color of Red, Lonely Day et Kill the Princess. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Non, non, non, le reggae n'est pas mort de Réglisse. C'est sur l'album Le Live, sorti en 2013. On retrouve Le Comptoir, Le Petit Chemin, Mets de l'huile. J'aimerais qu'il se reforme et qu'il relâche une bonne grosse bombe, genre Mets de l'huile, ça serait top. Me and you. sipping from this helpful cup of peace. Not one shall be, not one. Your people shall not enter. Disa, oh la la. We wise and a true man stand. Sipping from the cup of peace. You chant down on Babylon. You chant down on Babylon. You chant down on Babylon. Chant down on Babylon. Give thanks and praise. Give thanks and praise. Give thanks and praise. You give thanks and praise to the whole of man of creation. Aye. Chant down on Babylon. Chant down on Babylon. Give thanks and praise. Give thanks and praise. Give thanks and praise. Give thanks and praise to the whole man of creation. Yeah! je le jack, représente les solstices. Je rêve de l'enfer, ne ramène pas ton exorciste. Je suis un artiste, mais jamais un grossiste. J'ai grillé des fusibles en fumant la santé. Je n'offre plus ma confiance, je me suis trop fait planter. Ma cause est perdue, je suis déjà tenté. En éclaireur, je ne peux plus me planter. Je garde ma voix bien qu'en route sinueuse. Ma renaissance est bien miraculeuse. J'ai rappé dans les bars dès le départ, on épate, on éclate les barrières. Je fonce sans me prendre de la tête, le passé c'est le passé. Je ne pense pas à revenir en arrière. Je ne pense pas à revenir en arrière. Dans mes rêves, il n'y a pas des zéniths que des lives dans des catacombes. Dans une certaine mouvance, je médite, je prends la hauteur attendant que je tombe. Une grande colère depuis déjà des plombs. Je suis sur le point de péter les plombs. Perdu dans mes songes, il n'y a pas de mensonge. On est loin d'être triste, on est seulement sombre. Dans mes rêves, il n'y a pas des zéniths que des lives dans des catacombes. Dans une certaine mouvance, je médite, je prends la hauteur attendant que je tombe. Une grande colère depuis déjà des plombs. Je suis sur le point de péter les plombs. Perdu dans mes songes, il n'y a pas de mensonge. On est loin d'être triste, on est seulement sombre. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. le jour où j'ai trouvé que le jour était long, que de sous mon balcon passait de plus en plus de cons. Le jour où j'ai trouvé que je crevais d'ennui, j'ai pensé des musiques, j'ai écrit des chansons et j'ai vécu la nuit. Chaleur des tropiques a poussé ses racines jusque sur mon palier. Et comme on a partout un destin qui nous pique, nous gratte, nous irrite, nous casse les pieds. Le reggae n'est pas mort et comme une araignée, quand tu coupes une patte, continue à marcher, marcher, marcher. Merci les releases. Vous êtes toujours dans la 147e Vampire Freak et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Withering Heights en vinyle de Kate Bush, Door Deep de Burning Spear, Turn Up de 13, 49.3 Reboot, le nouveau Post 942, et on a fini en live avec Non, le reggae n'est pas mort de Réglisse. On continuera cette émission avec C'est ton destin des Inconnus. C'est un 45 tours de 1991. On retrouve dessus Auteuil Neuilly Passy et C'est ton destin. Un bon coup de marade du son culte, c'est histoire se fendre la gueule. Et comme vous avez vu, il y a eu pas mal de filles dans cette émission. Justement, c'est pour parler de la place des femmes femmes dans le rock'n'roll et la pop et le reggae. Et j'espère que d'autres femmes m'enverront du son. Ça me fait super plaisir. On écoutera ensuite Nouvelle Ère de le nouveau Antipode. C'est le premier single d'un album à sortir au printemps. Des news très vite. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, Soundcloud et bientôt sur toutes les plateformes. On écoutera ensuite S.I.D., le nouveau Captain Haddock. C'est sur l'album Release de Quaken, sorti le 24 janvier 2019. On retrouve Fucking Father, Burnfaced et Raid River. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On les connaissait sous le nom de Bliss. Désormais, Bliss, c'est le nom de leur label. Et ils sont devenus les Captain Haddock. Et un petit coucou à Cédric, le chanteur de Captain Haddock, qui m'a envoyé l'album. Merci à lui. On écoutera ensuite Natty Ready, featuring Ify. Le nouveau George Dub, c'est sur l'album Alongside Session Part 1, qui vient de sortir. On retrouve Ras de Todo Mal, featuring Monkey J. Yaman, Isis, featuring Twiximilia, et Worldwide, featuring Ras Hassan T, du super son de chez moi. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube, Soundcloud et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec un grand, grand, grand classique, Police Milice de Trust. C'est sur l'album Trust, sorti en 1979. On retrouve Préfabriqué, Palace et Bossé 8 heures. Et toujours pas une thune, du bon son culte français. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. Institution, immigration, moi je dis non. Ce sont des mots que tu refuses en bloc. Oh ça c'est sûr. On ne se soumettra pas à ta vouloir. Ouais, t'as bien pris note. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. Ton destin. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. Écoute mon frère, te laisse pas faire. Écoute bien ce qu'il te dit. Ouais, c'est le monde à l'envers, faut pas tout désespérer. La vie, c'est la jungle, il faut se battre pour y arriver. Tu peux le faire mon frère. Alors retiens bien ce qu'il te dit. C'est pour ton bien. C'est ton destin. C'est ton destin. Hey Manu, descends. Et pourquoi faire? Bah, c'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main. Est inutile de te redire le refrain. Ouais. C'est ton destin. Alors prends-toi en main. C'est ton destin. Moi j'ai rien à te dire de plus que de te dire que c'est ton destin. T'as entendu? T'es source ou quoi? Si tu as bien retenu la leçon, c'est ton destin. New York, Los Angeles, Boston ou Sarcelles, c'est le même destin. Allez mes frères et mes sœurs tous ensemble, c'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. On ne se soumettra pas à ta vouloir. Ouais. C'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Prends-toi en main. C'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Alors retiens bien ce que qu'il te dit. C'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Est inutile de te redire le refrain. C'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. T'as entendu? T'es sourd ou quoi? C'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Si tu as bien retenu la leçon, c'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. Nouvelle ère, nouvelle ère, souffrante, l'enfer. Baignette, mon cœur de nos chers. Brise cette nouvelle ère, nouvelle ère, mais quelle est l'ouvert. Quelle sera ta Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vampire Freaks, la rage. Ce moment de partage avec vous, mes amis, est magique. Plein de grands classiques, très bons sons maison. Vampire Freaks, la rage. Now this is a special request to each and every conscious people all over the world. We pay it to the boys and girls. How you mean? Could it? You say we ready for the run. You say me ready for the run. Me say me ready for the run. Tiddy to them, say me ready for the run. And I told me say that you ready, ready. Hold steady, steady. Boy, we just a nice up the party. Me say we ready, ready. Hold steady, steady. Jump with the robot up party. Say me ready for the run, Babylon. Me say you can't hold the youth them down. You know, yeah. Me say you hold your weapon. Can't hold the youth them down. See me sing a song. Jade, I feel mash Babylon. We keep them run when the youth them come. Can't hold me down. Me say you could have never, ever, ever. You know, me ready for the run. And I saw me say that you ready. So, but they can't hold the youths, you know, they must be mad or wicked. And they no want no culture. Yeah, it's just a run them down. But I mash them down with the youth, them sound. But come around, Chanati come around. Lord of his mercy, Chanati ready for the run. Yeah, you know, you say me ready for the run. Sing along, be ready for the run. Just send I come, I mean I want no rum. But I dread them come, them a holding on. Show my Babylon, so you coming and come, yeah. Oh, right in there, you know. I mean say pop it off, if you rock it off. You say lick it off, you know. I feel rock it up, you say don't be dumb. We go rake it up. Take it again, no say we ready for the run. You say we ready for the run. Dreadlocks time has come. You say run Babylon. Lord of his mercy, I find the same. Could we'll be right back. êtes toujours dans la 147e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter C'est ton destin des inconnus, Nouvelle Air, le nouveau Antipode, SID, le nouveau Captain Ajax, Natty Ready, le nouveau George Dub, et on a fini ce bloc avec le grand classique Police Milice en live de Trust. On continuera cette émission en live avec Funky Kingston de Toots and the Metal. Alors, il y a deux éditions avec deux programmations différentes, mais une même pochette. Une première édition sortie en Jamaïque et en Angleterre en 1973 et une version sortie aux USA en 1975. On retrouve Pump and Pride, Funky Kingston, Time Thought et Pressure Drop du son culte. On continuera ensuite avec Droit dans le mur de Futurex, c'est sur l'album Futurex sorti en 2016. On retrouve Je te hais, Téléchargez-moi, Droit dans le mur. C'est un projet de Pat Kebra d'Oberkamp. J'espère que Pat Kebra va nous sortir son album bientôt parce que moi j'ai hâte. On écoutera ensuite État d'urgence de Punk and Roll. C'est sur l'album, l'EP 5 titres, Tout va bien, sorti en 2017. On retrouve Intro, Leur guerre nos morts, État d'urgence, Tout le monde déteste la police et Tout va bien. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et plus d'infos sur la page punkandroll.fr. On écoutera ensuite Pick Up de Winston McAnuff. C'est sur l'album Nostradamus, sorti en 2008. On retrouve Mix Up Moods, Take It All et mon préféré Sunday Morning, un des fondateurs du reggae jamaïcain. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Revolution Calling de Queensrÿche. C'est sur l'album Opération Mindcrime, leur quatrième album sorti le 2 mai 1988. On retrouve I Remember Now, Speak et Anarchy X, un classique de chez classique. I love the way you dance, my son. And I love the way you sing it. Now, don't tell me what's my name. Don't you forget that I'm the teacher, I told you. My last name is the teacher. What's my last name? Shout it out. Everybody shout it out. You're wicked youth. I'm going to take you to Kingston, Jamaica with me. If you want to follow me, hold up your hand and you want to come with me. You want to come with me to Jamaica? I'm going to take you there right now. You got your ticket from me, right? To take a plane, you don't have to take a train. All you got to do, say what I say, and I take it to Kingston, Jamaica, where reggae come from. Every one of you want to know that it's Kingston reggae come from. They want to know it's Kingston reggae come from. Are you ready to go? All right. And give it yourself to me. Na na na na. Na na na. Na na na na na. Ho ho ho ho. Ho ho ho. Ah. Go. Come on and reggae, reggae, reggae.

Ne rien dire, ne rien faire, ne rien entendre, c'est trop cher. On n'a qu'à tout foutre à la mer, on n'a qu'à tout foutre en l'air. On en est sûr, on va droit dans le mur. On en est certain, on ne changera rien. On va se presser de ne pas bouger, on va tout faire pour ne rien faire. On n'a qu'à tout foutre à la mer. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Les droits de surveillance, on passe pour les caméras et les passeports biométriques, traçons chacun de nos pas. Pick up when you left off. Pick up when you drop off. You've been always living good. Here in the neighborhood. Then you start to talk about red lights. Staying out very late at night. Pick up where you live at. Pick up where you drop off. Pick up where you live at. Pick up where you drop off. You're blind. It's gonna cost you $100 and 50 cents. All because you didn't use your common sense. And your life shall be filled with strife. Cause you didn't take a decent woman to be your wife. Pick up where you live at. When you drop off, pick up when you lip up, pick up when you drop off, pick up when you lip up, pick up when you drop off. Pick up where you left off. Pick up. On vient de s'écouter Funky Kingstown en live de Toots and the Metal, Droit dans le mur de Futurex, État d'urgence de Puck and Roll, on a eu ensuite Pick Up de Winston McAnuff et on a fini ce bloc en live avec Revolution Calling de Queensrÿche. 747e Vampire Prix touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Fix, l'émission radio. Si vous souhaitez être diffusé, contactez-moi sur la page Facebook de l'émission. On finira cette petite émission, tout simplement, avec Take Me Out en live de Franz Ferdinand. C'est sur Live London, sorti en 2014. On retrouve Yves Eli, Lucid Dream et Right Action. Ils sont actuellement en tournée, peut-être un futur album live à faire, à suivre. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu! I'm just a crosser. I'm just a shark.